نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous sommes arrivés à la sourate An-Nazi'at. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Donc la sourate An-Nazi'at, qui est également appelée Surat At-Tamma ou Surat As-Sahira, selon des mots qui sont cités dans cette surat, qui a été révélée à Mecca et qui parle principalement de Al-Ba'th, la résurrection et du jour dernier, et de ceux qui renient le jour de la résurrection. Donc comme beaucoup de surates qui ont été révélées à la Mecque. Donc les 5 premiers versets qu'on a lus, ce sont des versets qui comportent un qasam, comme on le retrouve souvent. Et ce qasam, dans les 5 versets, il concerne les anges. C'est-à-dire qu'Allah a jugé par les anges, mais en les citant de différentes façons. Donc la première, « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ » Je jure par ceux qui... Alors, « naza'a » en arabe, ça veut dire « tirer quelque chose avec force ». Donc par ceux qui tirent avec force, ça peut vouloir dire « arracher » aussi, mais pas toujours. Ça peut vouloir dire tout simplement « tirer vers soi » avec force. Gharqan, ça signifie yani min al-ighraq, c'est-à-dire qu'ils le font très fort ou qu'ils le font en profondeur, comme s'ils arrachaient quelque chose qui est bien, bien ancré. Et ils l'arrachent depuis ses fondements. De quoi est-ce que ça parle? La plupart des salafs, dont Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, ils disaient que ce sont les anges. Les anges lorsqu'ils arrachent les âmes. Et donc pourquoi gharqan? Parce que l'âme, ils vont l'arracher alors que l'âme, elle remplit entre guillemets le corps. Donc ils vont la retirer alors qu'elle est bien ancrée dans tout le corps de l'être humain. Donc c'est comme s'il l'arrachait alors qu'elle est, elle est ancrée en profondeur. Donc ce qui montre encore plus la violence de l'acte. Et là, ça parle des anges qui retirent l'âme spécialement du kafir. Donc, comme le montrent les hadiths, l'âme du kafir, elle est retirée par les anges de façon très, très violente. Et quand on dit par les anges, en fait, c'est un ange qui retire l'âme. Mais il est accompagné par d'autres anges qui ensuite s'occupent de prendre l'âme et de la monter vers les cieux. Donc Allah a juré par ses anges, par les anges de la mort, dont un d'entre eux arrache l'âme de l'individu. Et on peut détailler un petit peu en disant qu'en fait, Salaf ou Salih, ils ont émis différents avis sur ces versets. En fait, ils ne l'ont pas tous expliqué par les anges. Il y en a qui disaient An-Nazi'at, ce sont les étoiles. Il y en a qui disaient An-Nazi'at Iralqa, c'est-à-dire la flèche, quand on la tire au maximum dans l'arc. C'est-à-dire qu'Allah a juré par ceux qui combattent. Fisabilillah. Et l'imam At-Tabari, rahimahullah, comment est-ce qu'il a, entre guillemets, réglé cette question? Eh bien, il dit, Allah a juré par An-Nazi'at, c'est-à-dire celle qui tire avec force, qui tire violemment, celle ou ceux qui tirent violemment. Sans préciser que ça concerne les anges ou autres. Il dit donc qu'il se peut que ça peut parler des anges, ça peut parler des étoiles, c'est-à-dire les étoiles qui, avec force, se déplacent dans le ciel. C'est ça qui est voulu ici. Ça peut parler des flèches et des arcs, ça peut parler de tout ça. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit à peu près la même chose, sauf que lui, il a été plus loin en disant « mais aoulal aqwal », c'est-à-dire ce qui s'applique le mieux à ces cinq versets, c'est les anges. Mais regardez quand Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, c'est-à-dire, ce qui s'applique le mieux à ces versets, c'est l'explication par les anges. Est-ce qu'il a dit, wa sahih? Est-ce qu'il a dit, et la vraie explication, c'est les anges? Il n'a pas dit ça. Comme pour montrer que, comme il a dit l'imam al-Tabari, rahimahullah, à partir du moment où le texte il ne précise pas, eh bien, tout ce qui peut être wan-nazi'ati ghorqa, on peut expliquer le texte par ça. C'est pourquoi certains tabi'in disaient an-nujum. Si on ne comprend pas ça, on va se dire ben, comment quelqu'un comme Qatada, par exemple. Qatada, c'est un tabi'i, un des plus grands savants de la génération des tabi'in et un élève d'Ibn Abbas, donc un spécialiste du tafsir. Comment il peut ne pas savoir que c'est les anges? Alors que Ali, il l'a dit, Ibn Abbas, il l'a dit. Quand on ne comprend pas ces règles-là, on peut se dire, bah, d'où il sort ça? Pourquoi lui, il dit que c'est les étoiles alors que tout le monde a dit que c'était les anges? Mais quand on comprend qu'en vérité, eux, ils expliquent selon le texte, et que le texte, il dit simplement, là, on comprend pourquoi il a dit les étoiles. Parce que les étoiles, on peut les appeler, mais ce qui s'applique le mieux à ces cinq versets, c'est les anges. C'est pourquoi Abdallah ibn Abbas, Ali et les autres, ils disaient Al-Malaïka. Ces versets parlent des anges, tout simplement, sans expliquer plus que ça. Donc, ça c'était pour expliquer un peu la divergence qu'on trouve sur ces versets. Et après, on va rester sur le fait que ce sont les anges. Donc, Wan-nazi'ati gharqa, c'est-à-dire qu'Allah a juré par les anges qui arrachent, qui tirent violemment. Qui tire violemment quelque chose, eh bien, l'âme du mécréant au moment de sa mort. Wan-nashitati nashta. Nashata également, ça veut dire tirer. Et nashata, c'est tirer, par exemple, un lien, mais les liens qui sont faciles à défaire. Un peu comme nous, notre façon de faire les lacets. Comment on fait pour tirer le lacet? Il y a les boucles et puis il y a les deux liens qui restent. On tire les deux liens et ça se défait tout seul. Ça, c'est ça, nashata. Ou alors, également, ils disent. Quand le chameau il a un lien à sa patte ou autre, et qu'on le défait sans violence normalement, et qu'ensuite le chameau il est libre. C'est ça, nashata. Donc, wannashitati nashta, par ceux qui enlèvent. Donc, également, ça veut dire les anges qui enlèvent. Mais on voit que c'est pas avec la même force que dans le premier verset. Donc, là, ça parle des anges qui enlèvent l'âme du mu'min. Parce que lorsqu'ils enlèvent l'âme du mu'min, ils le font avec. Facilité, l'âme elle sort toute seule. Alors que quand ils enlèvent l'âme du kafir, c'est comme si, comme il le dit le hadith, c'est comme si on mettait un peigne en fer dans de la laine et qu'on tirait. Ça va tout arracher avec, et le peigne il va tout arracher avec lui. Et c'est très difficile. Alors que là, c'est comme quelque chose qu'on tire, comme un cheveu par exemple qui est posé sur le beurre et qu'on retire. Wassabihati sabha, par ceux qui voguent. Sabaha. Ça peut vouloir dire nager, ça peut vouloir dire voguer dans les airs. Donc là, Allah parle encore des anges. Par les anges lorsqu'ils voguent. Pourquoi? Parce que les anges, ils vont et ils viennent entre les cieux et la terre. Ils viennent du ciel vers la terre, ils reviennent de la terre vers le ciel, etc. sans cesse. Et avec facilité. Fassabiqati sabqa. Sabqa en arabe, ça veut dire devancer. Donc par ceux qui devancent, encore une fois, ce sont les anges. Que veut dire les anges dans le sens où ils devancent? Parce que, comme Allah nous l'a dit dans d'autres versets, quand Allah leur ordonne quelque chose, ils l'appliquent immédiatement. Les anges, ils ne discutent pas les ordres d'Allah. Ils n'ont pas des passions qui les font hésiter, qui les ralentissent. Donc, yasbiqun ila amrillah. C'est-à-dire que, avec empressement, ils appliquent l'ordre d'Allah. Fal mudabbirati amra. Et qui Mudabbirat, dabbara, c'est comme gérer quelque chose. Fal mudabbirat, et par ceux qui gèrent, amra. Yani bi amrin min Allah. Amran ici, ça signifie selon un ordre d'Allah. Donc, Allah parle de ceux qui voguent, c'est-à-dire les anges qui voguent, qui accomplissent immédiatement l'ordre d'Allah, et donc sur l'ordre d'Allah, ils vont gérer ou accomplir tel et tel ordre. Que ce soit retirer l'âme d'un être humain, insuffler l'âme à un être humain, écrire les actions d'un être humain, etc., etc. On sait que les anges, ils ont énormément deux missions, celle qu'Allah nous a citée, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a citée, et celle que ni Allah ni son prophète ne nous a citée et qu'on ne connaît pas. Donc Allah cite, Allah a juré dans ces cinq versets par les anges et leurs différentes fonctions, en fait, leurs différentes caractéristiques. Par contre, comme on l'avait déjà vu, il me semble, dans une sourate, je crois que c'était Wal-Fajr. Oui, c'était Wal-Fajr. Ici, on n'a pas de Al-Muqsamu Alayh. Donc là, on a Al-Qasam. Allah jure. On a Al-Muqsamu Bihi. Ce par quoi Allah a juré, qui sont les anges. Mais il manque Al-Muqsamu Alayh. C'est-à-dire, Allah jure, mais pour dire quoi ici? Et ici, on n'en a pas. Comme dans Wal-Fajr. Wal-Layalin 'Ashr, Wal-Shaf'i Wal-Watr. Et après, on n'avait pas de Hal fi dhalika qasamul ladhi hijar. Mais après, Allah ne dit pas une chose sur laquelle il a juré. Donc, certains disent c'est parce que ici, le Muqsam alayh, il est évident. Quand on regarde toute la sourate, eh bien, ça parle de Al-Ba'ath. Donc, le Muqsam alayh, il est muqaddar, c'est-à-dire, il est compris comme la tub'athunna. Vous allez être ressuscité. Mais Allah ne l'a pas dit parce qu'il est évident vu la suite de la sourate. Vous avez compris? Et d'autres, ils disent, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, en fait, il n'y a pas de Muqsam alayh. Le Qasam, il suffit à lui-même. Tellement les choses par lesquelles Allah a juré ici, elles sont grandes, eh bien, le Qasam, il suffit à lui-même. Sans qu'on ait besoin d'une phrase sur laquelle Allah aurait juré. Ensuite, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةَ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةَ. Donc là, ça décrit ce qui va se passer au jour de la résurrection. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ. Le jour où, rajafa, c'est comme ittaraba, trembler. Et ici, ça parle du cri. Rajafa, c'est le cri, ou le soufflement plutôt, le bruit de la résurrection, le premier. La première fois que l'ange va souffler pour la résurrection, va souffler dans entre guillemets, la trompe. Donc, Al-Rajifa, c'est le premier souffle dont la fonction est de, entre guillemets, foudroyer, faire mourir toutes les créatures qui sont à ce moment-là vivantes. Donc, Yawma Tarjufu Al-Rajifa, Al-Rajifa, c'est ce cri, c'est ce bruit, ce soufflement. Donc, Tarjufu, c'est-à-dire qu'elle va, ce bruit va gronder. Ce bruit va trembler. Donc on en comprend que c'est un bruit terrible pour celui qui l'entend. Il est insupportable. Donc un bruit, quand il est comme ça grondant et qu'il résonne, ou fihi tardid, c'est-à-dire qu'il se... je ne sais pas comment on dit en français, il y a comme une sorte de résonance dedans, on l'appelle rajifa. Donc yawma tarjufu rajifa, le jour où va gronder ce bruit. Tatba'uha Ar-Radifa. Et le suivra Ar-Radifa. Ar-Radifa, ça veut dire celle qui suit. Donc suivi par la deuxième. C'est à peu près ça que le verset veut dire. Suivi par le deuxième. C'est-à-dire par le deuxième souffle. Dont la fonction sera. Enfin, qu'est-ce qu'il annoncera ce deuxième souffle? La résurrection. Donc le premier, c'est la disparition. Et le deuxième, c'est la résurrection. Donc on voit que ces deux souffles, ils sont cités dans cette sourate. Sourate An-Nazi'at. Donc c'est ainsi que l'expliquait Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il expliquait ces deux versets par les deux souffles. Quloubun yawma idhin wajifatun. Ce jour-là, des cœurs seront wajifa, c'est-à-dire tremblants, apeurés. Donc khaifa, c'est comme khaifa, mais plus fort. Donc des cœurs ce jour-là seront remplis d'effroi, remplis de peur. Et on observe que la phrase, elle commence par anakira, quloubun, ce qui est assez rare en arabe. Une phrase commence par un akira comme ça. Quloubun, des cœurs, ce jour-là seront apeurés. Des cœurs, le fait que ce soit nakira, que ce soit indéfini, ça implique qu'il y en aura beaucoup. C'est-à-dire la plupart des cœurs, des créatures, seront apeurés ce jour-là. Et on sait que d'autres seront sereins ce jour-là. Absaruha khashi'a. Leurs regards seront khashi'a. Donc on avait vu que al-khushu', ça peut vouloir dire beaucoup de choses, al-khushu'. Khushu' qui est la crainte. Donc là, ça parle des regards qui sont craintifs. En fait, ça signifie valila. Leurs regards, ils seront avilis. C'est-à-dire qu'un regard, il peut traduire l'avilissement. Il peut traduire leur abaissement. Donc leur regard, il va traduire leur rabaissement et leur avilissement à ce moment-là. Et on observe que Allah a dit Absaruha. Le ha, il renvoie à qui? Quluboun. C'est-à-dire qu'au lieu de dire les cœurs des gens, les regards de ceux qui ont ces cœurs-là, il a dit leur cœur, leur regard, pardon. Leur regard. Alors que juste avant, il a dit des cœurs. C'est-à-dire le regard de ces cœurs. Sous-entendu, le regard des propriétaires, entre guillemets, de Ashab hadhihi al-qulub, des gens qui portent ces cœurs. Mais ici, il y a quelque chose, ça sous-entend quelque chose, c'est que ce khushu', il vient d'où? Cet avilissement. Il provient de leur cœur. Donc c'est là le lien. Pourquoi Allah a rattaché le regard au cœur au lieu de le rattacher aux hommes? Parce qu'il les a qualifiés de khashi'a. Or, leur khushu', leur avilissement, c'est ici qu'ils vont le ressentir. Ensuite, les versets d'après, ils passent à ce que disent ces gens-là ici-bas. Ça, c'est leur situation dans l'au-delà. Et ici-bas, yaquluna inna lamardudun fil hafira. A idha kunna idhaman nakhira, qalu tilka idhan karratun khasira. Ils disent, serons-nous renvoyés dans l'hafira? L'hafira, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les Arabes, ils disent, quand quelqu'un il prend un chemin et il revient, ils disent, ada fi hafirati. C'est une expression en arabe qui veut dire comment? Chemin? Retrousser? Non. Rebrousser chemin. Revenir par le même chemin. C'est-à-dire l'aller et le retour. Donc c'est ça que ça signifie ici. La mardoudouna fil hafira. En gros, ils disent, est-ce qu'on va revenir comme on était? C'est ça que ça signifie. Donc le hafira ici, c'est pas la terre, c'est inna la mardoudouna fil hafira. En gros, ça, on peut le traduire par est-ce qu'on va revenir de là où on vient? C'est ça que ça signifie. De l'expression arabe, adafi hafiratihi. Parce que hafara, c'est faire comme des trous ou des traces dans le sol. Donc adafi hafiratihi, c'est revenir sur ses traces. Littéralement, c'est ça en fait. C'est la même expression qu'en français. Revenir sur ses traces. Donc c'est comme s'il disait, serons-nous renvoyés sur nos traces? Allons-nous revenir sur nos traces, c'est-à-dire est-ce qu'on va revenir comme on est actuellement, vivant? Ça, ils le disent pour se moquer et pour s'étonner, ce n'est pas une réelle question. A'idha kunna 'idhaman nakhira, quand nous serons des os nakhira, ça veut dire faniya baliya, des os qui sont usés par le temps, qui sont défaits. Et nakhira également, ça veut dire qui sont de sorte à ce que. Bon, ça, nous, on ne le connaît pas, mais ils disent que les gens du désert, quand il y a des os qui sont défaits, des os de cadavres, tellement ils se défont qu'après le vent, quand il passe à travers, il peut passer à travers et il émet un bruit. Donc, nakhira, c'est-à-dire ils se défont et ils sont. Comment dire? Il y a des trous dedans, entre guillemets. Bon, il faut que je revoie mon français, moi, parce que là, ça devient grave. Faut que je lise un peu. Bon, vous avez compris, dans tous les cas. C'est-à-dire que les os, ils sont usés et qu'il y a des trous dedans, tellement ils sont usés, au point que le vent peut passer à l'intérieur. Donc ils disent, est-ce qu'on va revenir sur nos traces alors qu'on est devenu des os? Comme s'ils doutaient de la puissance d'Allah. قَالُوا تِلْكَ إِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Ils dirent, voici alors un retour perdant. C'est-à-dire, ils disent, bah, si vraiment on devait revenir, ça serait une perte. Ils reconnaissent. Parce qu'ils ont profité de la vie d'ici-bas, ils n'ont rien misé sur l'au-delà. Donc ça, c'est une partie des koufars. Et on sait, eux, que dans d'autres versets, Allah nous parle du kafir qui dit que, de toute façon, si je revenais, « Inna li indahu lal husna » si je devais être ressuscité, de toute façon, j'aurais la meilleure des vies. Donc certains disent ainsi, et d'autres disent comme cela. Certains disent, si je devais être ressuscité, de toute façon, moi, auprès d'Allah, j'aurais la meilleure vie. Et d'autres, ils disent au contraire, si on doit revenir, ce sera un retour perdant. فَإِنَّمَا هِيَ زَجَّرَةٌ وَاحِدَةٌ. Donc regardez comment Allah leur répond. Ce ne sera qu'une zajra. Zajra, c'est comme un cri, un seul. Et Allah a précisé wahida. C'est-à-dire que ça ne va pas me demander grand-chose pour vous ressusciter. Vous vous étonnez qu'après être devenu des os, vous pourriez être ressuscité. Or, la réalité, c'est que ça ne demande rien. Ça sera juste une zajra. Zajra, ici, à quoi elle fait allusion? encore une fois, au souffle dans la trompe de Israfil. C'est-à-dire, ça sera juste un cri, un bruit. Fa'idahum bis-sahira. Et voilà qu'ils seront sur la terre. Donc la terre ici, Allah l'a appelée As-Sahira. Pourquoi As-Sahira? Sahara, ça veut dire quoi en arabe? Veiller la nuit. C'est-à-dire, au lieu de dormir, c'est de veiller. Donc celle qui veille. La terre, elle a été appelée celle qui veille. Pourquoi? Parce que, en tout cas, l'imam At-Tabari, c'est comme ça qu'il l'explique, rahimahullah, c'est parce que les êtres vivants sur terre, ils dorment ou ils veillent. Donc la terre, les Arabes l'ont appelée celle qui veille, par rapport à ce que les gens font dessus et ce que les animaux font dessus. As-Sahira. D'autres, ils disent également, ça fait allusion à la façon de se la description de cette terre sur laquelle ils vont être ressuscités. C'est que ce sera une grande terre plate et étendue, comme on le sait dans d'autres versets. Et les Arabes appelaient les grandes terres bien étendues où on peut voir très loin, Sahira, celle qui veille. Pourquoi? Parce que celui qui s'y trouve, le voyageur qui s'y trouve, il veille, il n'arrive pas à dormir. Il fait que de regarder à droite, à gauche. Quand il est dans une grande terre, il a encore plus peur que s'il est caché par une montagne ou s'il est dans une grotte, par exemple. Quand il est dans un grand terrain vague, il a encore plus peur. Donc il regarde sans cesse à l'horizon, de crainte qu'un danger ne vienne, et il n'arrive pas à dormir. Yasahar. Donc c'est ce genre de terre, il l'appelait As-Sahira. Donc comme pour dire, et ils seront sur la terre, mais une terre qui sera très étendue et très plate. Ensuite, la sourate passe à un autre sujet, qui est l'histoire de Moussa. Et cette histoire, elle a un lien avec les versets précédents. C'est une menace en fait qui est proférée à l'égard de ceux qui renient la résurrection. Donc Moussa, c'est comme si ici il représentait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Pharaon, il représente Quraysh. Donc Allah leur dit, regardez ce qui s'est passé entre Moussa et Pharaon. Or vous êtes en train de faire la même chose avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hal ataka hadith Moussa? Est-ce que t'es parvenu le hadith ici, c'est l'histoire de Moussa. Donc regardez, c'est une belle façon qu'Allah emploie à chaque fois de ramener les histoires. Hal ataka hadith Moussa? Est-ce que t'es parvenu l'histoire de Moussa? C'est une introduction, ça, pour introduire l'histoire. Iznadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi Lorsque son Seigneur s'adressa à lui dans Al-Wad. Al-Wad, en français on dit Al-Wad tout simplement. Al-Wad, pour ceux qui connaissent un peu l'épée arabe, vous voyez ce que c'est. C'est les grandes étendues un peu plus basses que le reste du sol, dans lequel l'eau elle vient couler quand il y a des fortes pluies. C'est ça un wad. Filwad il muqaddasi Touwa. Donc dans le wad muqaddas, c'est-à-dire purifié, béni par Allah, qui s'appelle Touwa. Abdullah ibn Abbas disait Touwa, c'est le nom du wad, puisque d'autres l'ont expliqué d'autres façons. Ibn Abbas disait non, Touwa, c'est le nom de ce wad. Nadahu rabbuhu. Nada, généralement, on aurait tendance à traduire comment nada? Appelé. Appeler. Mais en fait, non. En arabe, nada, c'est s'adresser à quelqu'un de loin. Et naja, c'est s'adresser à quelqu'un de près. Donc, ce n'est pas lorsque son Seigneur l'appela. C'est lorsque son Seigneur, tout simplement, s'adressa à lui. Mais comme Allah est au-dessus des sept cieux, quand il s'adresse à quelqu'un, on dit nada. Donc, on en comprend aussi que Moussa a bel et bien entendu. A bel et bien entendu Allah. Ce n'est pas une métaphore. Il l'a vraiment entendu. Idhhab ila Fir'aouna innahu tara. Donc il s'adresse à lui pour lui dire va à Fir'aoun innahu tara. Donc Fir'aoun, comme on l'avait déjà dit, c'est un titre. C'est le titre des gouverneurs de l'Égypte à cette époque-là. Va à Fir'aoun innahu tara. Car il a transgressé. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dans ces deux versets, il y a une grande leçon. C'est qu'Allah lui dit, Faqul, va voir Pharaon et dis-lui. Donc, regardez ce qu'Allah demande comment Allah apprend à Moussa à s'adresser à Pharaon. Et on sait que dans un autre verset, Allah a dit à Moussa et à Haroun, Faqula lahu qawlan layyinan. Dites-lui des paroles douces. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Afin qu'il se rappelle ou qu'il craigne. Donc ici, on a un peu le tafsir de l'autre verset. Quelles sont ces paroles douces? Et on voit que Moussa, Allah lui a appris à s'exprimer à Pharaon comme il se doit, c'est-à-dire d'une façon qui convient lorsqu'on s'adresse à un roi, à un empereur, etc. Il ne lui a pas parlé comme n'importe qui. Regardez ce qu'il lui dit. Faqul, dis-lui, Hallaka ila antazakka. Tazakka, ici ça signifie tatazakka. Parce que dans un verbe, au mudari', quand on a deux ta qui se suivent, on peut en enlever un. Donc tazakka, ça signifie tatazakka, tu te purifies. Donc dis-lui, regardez comment il lui dit. Il ne lui dit pas tazakki, purifie-toi. Ou il ne lui a pas dit, est-ce que tu veux que je te sauve du châtiment? Il lui a dit Hallaka. C'est comme si en français on disait est-ce que ça te dit? Il a un tazakka, que tu te purifies. Il ne lui a pas dit non plus moi je vais te purifier. Parce qu'on peut dire qu'un prophète purifie ses adeptes. Wayuzakkihim. Dans le sens où il leur enseigne ce qui va les purifier. Mais là il parle à un pharaon. Il parle à un transgresseur. Il parle à un tyran. Donc il emploie la bonne façon pour lui parler. Il lui dit. Est-ce que ça te dit de te purifier? Et en même temps, quand tu dis ça à quelqu'un, si tu lui dis par exemple, est-ce que ça te dit d'être sauvé de l'enfer? Lui, il peut te répondre, ben, pourquoi sauvé de l'enfer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Par contre, quand tu lui dis, est-ce que ça te dit de te purifier? C'est-à-dire, la purification, c'est une évolution, c'est un progrès. Il ne peut pas refuser. Personne ne va te dire, non, moi, ça ne me dit pas de me purifier. Évoluer, non, ça ne me dit rien. C'est pas possible. Donc c'est comme si quelque part il l'oblige à écouter et à répondre et à vouloir ce qu'il est en train de lui proposer. Donc tous les termes ici ils sont choisis. Hallaka, est-ce que ça te dit? Alors que lui c'est un prophète, il doit lui. C'est un ordre en vérité. Mais comment il lui a exposé? Hallaka, est-ce que ça te dit? Il a un tazaka que tu te purifies. Pas que je te purifie. Pas que tu sois sauvé de l'enfer, mais que tu te purifies. Et que je te guide vers ton Seigneur. Donc également, il a choisi le mot Rabbik. Il n'a pas dit Ilallah. Rabbik, comme pour lui rappeler. Je vais te guider vers celui qui t'a créé, celui qui te possède, celui qui t'a nourri. Pour lui rappeler qu'il a, il doit quelque chose à Allah. Donc que je te guide vers ton Seigneur, Fatakhsha. Et que tu craignes, c'est-à-dire que tu ressentes Al-Khashia. Qu'est-ce qu'on en comprend aussi ici? وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ. Que je te guide vers ton Seigneur. C'est-à-dire qu'il va lui apprendre qui est Allah. فَتَخْشَىٰ. Et en lui apprenant qui est Allah, il va ensuite craindre. Donc si tu apprends à quelqu'un qui est Allah, la crainte va venir toute seule. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé par la crainte tout de suite. D'abord il lui a parlé de le guider vers son Seigneur. Puis de craindre. Également, Ibn al-Qayyim dit ici dans la façon dont Moussa s'est adressé à Pharaon, « Wa ahdiyaka », sachant que juste avant, il lui a dit que « Est-ce que ça te dit que tu te purifies ?» Et tout de suite après, il dit « Wa ahdiyaka » et « Que je te guide ». Il compare ça à quelqu'un qui dira à un autre « Est-ce que ça te dit, je connais un endroit où il y a un gros trésor, est-ce que ça te dit de me suivre pour que je t'amène à ce trésor » C'est-à-dire, il reste dans des paroles qui sont modestes. « Ahdiyaka », c'est-à-dire « Je vais juste te montrer le chemin ». Il ne lui a pas dit « je vais te purifier, je vais te sauver ». Il lui dit « je vais t'amener vers ton Seigneur ». Et donc il lui a montré ensuite le plus grand signe. Le plus grand signe ici, à quoi ça fait allusion? À deux signes. Le bâton, lorsqu'il l'a jeté devant lui et qui s'est transformé en serpent, ce que les sorciers ne peuvent pas faire. Et la main, quand il l'a entrée dans son flanc, ensuite il l'a sortie et elle était blanche et lumineuse. Mais le résultat, quel fut-il? Fakadzaba wa asa. Il a démenti et il a désobéi. C'est-à-dire, il a démenti en apparence, il a refusé de croire en Moussa, wa asa. Et il a désobéi à l'ordre de Moussa. Ici, lorsqu'Allah dit Fakadzaba wa asa, on en comprend que l'islam, ce n'est pas juste croire. Puisqu'il dit Fakadzaba, il a démenti et il a désobéi. C'est-à-dire, ce qui était attendu de lui, qu'est-ce que c'était? De croire, mais pas seulement. Et également d'obéir. Pas juste de croire. Thumma adbara yasa'a. Adbara, c'est-à-dire, c'est comme s'il tourne le dos et il part. Yasa'a. Et il s'efforce. Donc il s'est détourné et a fourni des efforts. C'est-à-dire là, ça ne parle pas à ce moment-là. Ça montre de façon générale comment il a répondu à l'appel de Moussa. C'est qu'il s'en est détourné et yasa'a. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, bon, Moussa, son histoire, je laisse de côté. Yasa'a, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'efforts pour contredire Moussa. Fahashara fanada. Hashara, il a regroupé les gens, c'est-à-dire il a regroupé son armée, son peuple. Fanada, et il s'est adressé à eux. فقال انا ربكم الاعلى. Et il leur a dit, c'est moi votre Dieu, al-a'la, le plus haut. Donc telle fut sa réaction. Alors qu'il a reçu un des meilleurs messagers, ce messager s'est adressé à lui avec douceur en choisissant les termes. Il a appuyé sa part en lui montrant des miracles qu'Allah lui a donnés, mais sa réaction, elle fut la pire des réactions. C'est-à-dire que il a démenti. En plus, il lui a désobéi. Et en plus, au lieu de garder ça pour lui, il s'efforce de faire entrer tout le monde dans son égarement et il se met à la place d'Allah. Il leur dit, c'est moi votre Dieu le plus haut. Alors Allah le saisit. Donc le saisit comment? Bien, on le sait à travers les autres versets, lorsqu'Allah l'a puni. Nakal, c'est un châtiment exemplaire, c'est-à-dire un châtiment qui est un exemple pour les autres. C'est-à-dire qu'il lui a infligé un châtiment dans la vie dernière et dans la vie présente. Donc dans la vie présente, c'est lorsqu'il l'a noyé avec son armée. Et dans la vie future, c'est en enfer. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a certes en cela une ibra. Une ibra, c'est-à-dire une leçon, de quoi réfléchir. Liman yakhsha, pour celui qui craint. Donc là, c'est un appel à Quraysh. Si vous ressentez un peu de crainte, réfléchissez sur ce qui s'est passé entre Moussa et Pharaon. Ensuite, les autres versets encore, ça parle autour du sujet de Al-Ba'th, la résurrection. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel? Est-ce vous qui êtes plus dur à créer ou le ciel? C'est-à-dire, ils disent, si on est mort, on ne peut pas revenir. Qui va nous faire revivre? Donc Allah leur dit, est-ce que vous croyez que vous êtes plus dur à refaire que le ciel? Celui qui a créé ces cieux, il peut vous faire avec, vous réitérer avec facilité. Et ensuite, Allah détaille la construction et la création du ciel. Banaha, il l'a construite. Rafa'a samkaha fasawaha. Il en a élevé samkaha. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder ce que ça veut dire. Je viens de m'en rendre compte. Si vous avez la traduction en français, vous me dites. Samkaha. Rafa'a samkaha. Fasawaha. Sawa, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un être humain, ça veut dire quoi, sawa? Par exemple, il fait ici l'intérieur. Sawa, ça veut dire qu'il va bien le faire. Il va bien aplanir les murs, etc. C'est ça, sawa. Il va bien égaliser. Donc c'est faire de façon appliquée, de façon parfaite. Donc il l'a construite. Construite, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que le ciel est solide et ferme. Rafa'a, il l'a élevé. Sawa, il l'a fait de façon parfaite. Wa artasha, ça veut dire adlama. Wa artasha laylaha, il a assombri sa nuit. Wa akhraja, et il en a fait sortir le matin. C'est-à-dire, ça, c'est benisbati lil insan, c'est-à-dire, du point de vue de l'être humain, Allah a fait sorte, a fait a assombri la nuit du ciel et il en a fait sortir le matin par le biais du soleil. Et la terre, après cela, il l'a aplanie. C'est-à-dire que la terre, elle était déjà créée. Et après qu'il ait créé les cieux, il l'a aplanie. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Il en a fait sortir son eau et son. Al-mar'a, c'est la végétation, comme l'herbe, etc. Wal-jibala arsaha. Et les montagnes, il les a, arsa, ça veut dire ancrées. Il les a ancrées. Donc ça, j'explique pas plus parce qu'on a déjà vu ça dans les autres sourates. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Comme un bienfait pour vous, donc tout ce qui a été cité ici, un bienfait pour vous et pour vos bestiaux. Mata', c'est-à-dire un bienfait temporaire, ce n'est pas un bienfait éternel. Et dans le fait qu'Allah souligne ici pour vos bestiaux, il y a quelque chose, il y a une nukta. C'est comme pour nous dire, tout ça c'est un bienfait temporaire pour vous et pour vos bêtes, pour vos vaches, pour vos troupeaux, pour vos moutons, etc. Mais normalement, vous, il y a quelque chose en plus. Vos bêtes, c'est un bienfait pour elles, elles le mangent, elles meurent et c'est terminé. Mais vous êtes censé réfléchir sur tout ça. Vous êtes censé cogiter sur tout ça et être reconnaissant envers Allah pour tout ça. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ainsi qu'en viendra la grande catastrophe. Tamma en arabe, c'est une catastrophe. Pourquoi ça s'appelle Tamma? Tatummuma siwaha. parce qu'elle recouvre. Tamma, c'est recouvrir. Une catastrophe, on dit qu'elle recouvre tout le reste. Dans quel sens elle le recouvre? Yani, elle te fait oublier tout le reste. C'est pour ça qu'une catastrophe en arabe, elle est appelée tamma. Parce qu'elle te fait oublier tous les malheurs du quotidien. Les grands malheurs, quand ils arrivent, t'en oublies les petites tracas. Mais ici, Allah l'a qualifié de tammatul kubra, la grande catastrophe. Le grand malheur, c'est-à-dire le jour de la résurrection. C'est la catastrophe qui fait oublier toutes les autres. Yawma yatadhakkaru l'insanu ma sa'a. Le jour où l'être humain se rappellera de. Donc, ma sa'a, ici, qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude, sa'a, ça veut dire quoi, sa'a? S'efforcer ou aller vite. Donc, ici, ma sa'a, ce qu'il a fait. Donc, souvent, es-sa'i, dans le Coran, ça signifie les œuvres. Donc, le jour où l'être humain se rappellera de ce qu'il a fait, c'est-à-dire en bien ou en mal. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى بُرِّزَتْ يَعْنِي أُظْهِرَتْ Et on fera apparaître l'enfer pour celui qui voit. Donc les gens seront ressuscités et Allah ordonnera aux anges d'amener l'enfer. Donc on voit qu'ici Allah parle de l'enfer spécialement, pas du paradis. Parce que la sourate, elle vise surtout à faire peur. Et à réveiller notre Quraysh et tous ceux qui viendront par la suite. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Donc ici, Allah divise les êtres humains en deux. Quant à celui qui transgresse, c'est-à-dire qui n'obéit pas à Allah, qui fait ce qu'il a interdit, qui refuse de se soumettre à lui, qui lui donne des associés, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا et qui préfère la vie d'ici-bas, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Eh bien, l'enfer, le Jahim, c'est-à-dire, ça vient de le fait qu'elle est comme une fournaise, sera son refuge. C'est-à-dire, c'est l'endroit vers lequel il retournera. Donc, regardez comment Allah a fait découler l'enfer de deux caractéristiques. Tara et Athara al-Hayat al-Dunya. Transgresser et préférer la vie d'ici-bas. Donc, plus dans un être humain, ces deux caractéristiques sont fortes, plus le résultat est fort, vous avez compris? C'est-à-dire que le Coran, à chaque fois, il fait découler des récompenses ou des punitions sur des awsaf, c'est-à-dire des caractéristiques. Qu'est-ce qu'on en comprend? On sait que les gens, c'est pas tous au Firdaus et tous au fin fond de l'enfer. Il y a plein de degrés différents. Pourtant, dans le Coran, qu'est-ce qu'on voit? Celui qui transgresse et préfère la dunya, l'enfer. Et celui qui, par la suite, qui craint Allah, le paradis. Pourtant, entre les deux, il y a plein de degrés. Dans le paradis, il y a des degrés. Et dans l'enfer, il y a des degrés. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est qu'en fait, chaque individu, il aura le degré correspondant à la façon dont ses caractéristiques, elles sont en lui. C'est-à-dire que celui dont on peut dire, Tara, il a transgressé, ou Athara al-Hayat al-Dunya seulement, celui-là, c'est l'enfer. Mais il se peut qu'un musulman également, il passe par l'enfer, parce qu'il a de ces deux caractéristiques en lui. Il a du tawrian, la transgression, et il a l'ithar, le fait de préférer la vie d'ici-bas à la vie dans l'au-delà. Donc ça montre que ce sont deux caractéristiques qu'il faut combattre. Tawrian, c'est le fait de transgresser, d'être injuste, de dépasser les limites, et ithar al-hayat al-dunya, le fait de préférer à l'au-delà la vie d'ici-bas. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on peut tomber chaque jour. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Et quant à celui qui craint مَقَامَ رَبِّهِ, c'est-à-dire قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ C'est-à-dire qui craint le moment où il sera debout devant son Seigneur. C'est ça, مَقَامَ رَبِّهِ. Il craint le moment où il va passer devant Allah. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Et qui interdit à sa personne الْهَوَى. الْهَوَى, c'est-à-dire les passions, les tendances, les penchants. Donc ici, c'est sous-entendu, bien sûr, tout ce qui est négatif. Parce que parfois, le hawa, il peut être positif. Par exemple, quelqu'un, son hawa, c'est le Coran. Bah, alhamdoulillah. Sa passion, son penchant, la chose que vraiment il aime, c'est de réciter le Coran. On peut l'appeler hawa. Mais dans le Coran, le hawa, c'est toujours ce qui est négatif. C'est-à-dire les penchants qui sont haram. Le fait de pencher, d'être attiré vers les choses qui sont interdites et que l'âme, elle aime. Donc celui qui craint de passer devant Allah et qui interdit à sa personne al-hawa, c'est-à-dire ces choses, il les veut, il penche vers elles, il aimerait bien les faire, mais il se les interdit pour ne pas commettre ce qu'Allah a interdit. Fa innal jannata hiya al ma'wa. Eh bien, le paradis sera son refuge. Qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que pour aller au paradis, ça demande de la bagarre avec soi-même. Ça demande de se battre avec soi-même. Parce que le hawa, tout le monde en a. Allah n'a pas dit celui qui n'a pas de hawa. Il a dit wa naha an-nafsa 'anil hawa. Il interdit à sa personne al-hawa. Al-hawa, tu l'as. Et chacun, il a ses ahwa. Mais il les combat. Donc ça sous-entend que cet individu, il est en combat perpétuel avec sa personne. Parce qu'il aime des choses qui sont bonnes, ça n'y a pas de problème. Et il aime aussi des choses, et forcément, qui sont interdites. Donc il doit combattre pour y résister. Et ensuite, les versets passent à un autre sujet, toujours autour de la résurrection. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Il t'interroge sur as-sa'a. Sa'a en arabe, ça signifie le moment, l'heure. Donc l'heure ici, le moment de la résurrection. Ayyana mursaha. Mursaha, ça vient du verbe arsa. Le verbe arsa, on l'a vu. Dans quelle version on l'a vu? Waljibala arsaha. Donc mursaha, le moment où on fait arsa. Donc là, en parlant de l'heure. Donc par exemple, al-mursa, qu'est-ce que c'est mursa? C'est l'endroit où on va jeter l'ancre d'un bateau. Arsa, c'est quand on jette l'ancre aussi d'un bateau, par exemple. Donc c'est le moment où il arrive. Donc regardez, mursa pour l'heure du jugement. C'est-à-dire quand est-ce qu'elle va arriver. C'est un peu ça le sens. Allah a employé le terme mursa. C'est comme si quand est-ce qu'on va jeter l'ancre de l'heure de la résurrection. C'est-à-dire quand est-ce qu'elle va arriver. Et cette façon de poser la question, ça peut être une vraie question quand ça vient des croyants. C'est-à-dire que les sahaba, parfois, ils demandaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que l'heure arrivera? Comme Jibril lui a demandé devant tout le monde. C'était une vraie question pour savoir, parce qu'ils en étaient inquiets. Et l'autre façon de poser cette question, c'est pour se moquer. Ça, c'était la façon des koufars de l'époque. Ils lui disaient, c'est quand ton heure de la résurrection? Pour se moquer. Donc Allah répond en disant Fima anta min dhikraha. Qu'as-tu à voir avec dhikraha ici? Dhikra, c'est le fait de rappeler, mais ici c'est dans le sens de mentionner cette chose-là, de mentionner l'heure, de mentionner le moment à laquelle elle doit arriver. Ila rabbika muntaha. C'est à ton Seigneur qu'est muntaha. C'est quoi le muntaha d'une chose? La fin, là où elle s'arrête. C'est comme si le verset voulait dire c'est à ton Seigneur que s'arrête cette connaissance, à personne d'autre. C'est-à-dire tout le monde l'ignore, et ce savoir, il revient, il s'arrête à Allah. C'est Allah seul qui le connaît. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Donc Allah montre quelle est la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cette question. Innama, tu es seulement l'avertisseur de celui qui la craint. C'est-à-dire ta fonction, ce n'est pas de dire quand est-ce qu'elle va arriver, ta fonction, c'est d'avertir celui qui en a peur. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Et le jour où ils la verront, c'est comme s'il n'était resté que عشية, un après-midi, أو ضحاها, ou son matin, ou le matin qui précède. C'est-à-dire que les êtres humains, au jour de la résurrection, ils auront l'impression que leur première vie n'avait duré qu'une matinée ou qu'une après-midi. Quel est le but, quelle est la leçon qu'on retire de ce verset? C'est de profiter. C'est-à-dire que la vie, elle peut nous paraître longue, mais il faut savoir que demain, elle va te paraître très courte. Donc, il faut en profiter pour la vie future, qui, elle, sera la vie éternelle. Donc, c'était un petit peu long, désolé, mais c'est parce que je n'aime pas couper l'explication des sourates. Et parce que le cours d'après, il va aller vite. Donc, pour le fiqh, on fait aujourd'hui le dernier chapitre de Tahara. Par contre, j'ai remarqué un truc en lisant le cours avant de venir. Il n'y a pas de chapitre sur le haïd. J'ai rien compris là. J'ai pas compris, je ne comprends pas. C'est-à-dire, normalement, Adatul Fuqaha, les Fuqaha, leur habitude, c'est que le dernier chapitre de Kitab Tahara, c'est le haïd. Le haïd ou le nifas. toutes les hémorragies que les femmes elles connaissent. Et là, il n'y a pas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que on lira le livre. Il suffit amplement dans cette question du Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Il a un livre sur ce sujet, Risalatun fi d-dima it-tabi'iyya, qui fait le tour de la question et qui est amplement suffisant. Mais on le fera après avoir terminé Kitab al-Siyam. C'est-à-dire aujourd'hui on finit Kitab Tahara, dimanche prochain on fait Kitab al-Siyam. Comme ça on se prépare pour Ramadan. Parce que normalement, on apprend avant. C'est pas une fois que Ramadan il arrive que tu cherches à connaître qu'est-ce qui casse le jeûne, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Il faut le faire avant. Et pour ceux qui suivent les cours depuis un moment, bah, alhamdoulilah, on le répète tous les ans. Donc il y a un bénéfice dans ça, c'est en plus de la révision, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans, l'année dernière, on l'a fait ici. Les années d'avant, je l'ai fait plusieurs fois à Douai, et chaque année, je le fais. Donc celui qui suit ça à chaque fois, à la fin lui-même, il saura expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, le chapitre, c'est Al-Mas'hu al-Khuffayn. قال رحمه الله المسألة التاسعة المسح على الخفين والجبائر donc المسح ça signifie passer la main mouillée على الخفين sur les deux خف خف c'est sur les chaussettes de cuir alors les arabes ils portaient ça des chaussettes de cuir et quand on parle des chaussettes et tout ça on dit pas خف on dit الجوارب et on va voir que الجوارب c'est un autre jugement que الخفين d'un certain point de vue Wal-jaba'ir, on en a déjà parlé. Jaba'ir, c'est le pluriel de jabira. Qu'est-ce qu'on appelle jabira? Du verbe jabara. Jabara, ça veut dire comme compenser quelque chose. Jabira, c'était, à l'époque, l'Arabe, il mettait un bandage avec un grand morceau de bois pour redresser un bras qui a été cassé. Donc c'est comme nous, à notre époque, les plâtres, etc. Mais tout ça, on l'a déjà expliqué. Vous vous souvenez? On avait expliqué dans le chapitre du Tayammum. Donc il dit... قال ابن المبارك ابن المبارك c'est Abdullah ibn al-Mubarak c'était un grand faqih un grand muhaddith de l'Irak de la génération de l'imam Malik rahimahullah un des grands imams de l'islam au point où certains savants ils disaient la a'rifu li sahabati ala ibn al-Mubarak fadlan illa annahum sahaba certains savants ils disaient je vois pas quel mérite ont les sahaba sur ibn al-Mubarak si ce n'est que ce sont des sahaba parce qu'ils étaient les sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on enlève ce point-là, je ne vois pas la différence. Tellement Abdullah ibn Mubarak, sa vie elle était faite que de hasanat. Il dit, « Laysa fil mas'hi ala al-khuffayn ikhtilaf » Il dit, il n'y a pas de divergence sur « al-mas'hi ala al-khuffayn » Wa qala al-imamu Ahmad, « Laysa min al-mas'hi ala al-khuffayn shay'un fihi arba'una hadithan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » L'imam Ahmad disait, « Laysa min al-mas'hi ala al-khuffayn shay'un » Ça signifie fin nafs. C'est comme je disais, il n'y a pas de problème sur le mas'h al-khuffayn, il n'y a aucune ambiguïté, car il y a 40 hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. Wa qal, huwa afdalu min al-ghasli, li'annahu, sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabuhu, innama talabul afdal. L'imam Ahmed disait également, rahimahullah, le mas'h est meilleur que le ghasl, parce que le prophète et les sahaba forcément cherchaient ce qu'il y avait de mieux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il faisait le mas'h. Bien sûr, quand on a les conditions, c'est-à-dire celui qui a ses chaussettes et qui remplit toutes les conditions, bon, on va dire qu'il a le khouf, dans un premier temps, sans parler de chaussettes. Celui qui a le khouf, il a ses deux chaussettes en cuir. C'est quoi le mieux pour lui? C'est de faire le masque ou de se forcer à les enlever pour laver ses pieds? C'est de faire le masque. Parce qu'Allah, il aime que, quand il donne une facilité, il aime qu'on la fasse. Et en plus, ça fait revivre et perpétuer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Muddatuhu, la durée du masah. C'est-à-dire, quand on le fait, combien de temps on a le droit de le faire? Yajuzu yawman wa laylatan lil muqim wa lil musafiri thalathata ayyamin bilayalihin wa tabda'u muddatul masahi min awwali hadathin ba'da lubsi. Donc, il est permis de faire le masah pendant un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures, pour le muqim, celui qui est chez lui, et 3 jours et 3 nuits pour celui qui est voyageur. Donc, il y a plusieurs hadiths à ce sujet, le hadith de Ali, hadith de Safwan ibn Assel, tous des hadiths qui sont authentiques. Par contre, quand est-ce que commence là cette durée? Voilà, lui, il dit, elle commence à partir du premier hadith, après avoir mis Roufeï. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je fais l'ourdou à 9 h du matin. Je lave mes pieds. Je perds pas l'ourdou. À 10 h, je mets mes chaussettes. À 11 h, je vais aux toilettes. Et à midi, je fais l'ourdou en faisant le masah. Est-ce que ça commence à 10 h, à 11 h ou à midi? Les savants, ils sont dans les trois. Il y en a qui disent 10 h, d'autres disent 11 h, d'autres disent midi. C'est-à-dire, certains disent que c'est à partir du moment où tu as été aux toilettes, ou plutôt le premier c'est du moment où tu les as mises, tu as mis tes chaussettes. D'autres disent c'est du moment où tu as perdu le wudu avec tes chaussettes. Pourquoi? Parce que c'est ça, sababul masah. Quand est-ce que le masah, tu commences à avoir le droit de le faire? C'est quand tu as été aux toilettes. Avant ça sert à rien. Donc c'est là ça commence. Pour vous dire que c'est pas quelque chose de. C'est intelligent cet avis. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça commence. Là, tu viens de perdre le wudu, donc à partir du moment où tu l'as perdu, tu peux faire le wudu avec le masah. Donc c'est maintenant que ça commence. Et d'autres, ils disent à partir du masah, c'est-à-dire à midi. Dès que je vais faire le wudu et je fais le masah une première fois, bah, j'ai 24 heures pour continuer à le faire. Donc là, il dit, min awwali hadathin, ça c'est la parole de la majorité des savants, dont l'imam Ahmed. C'est-à-dire à partir du moment où tu as mis tes chaussettes et tu romps tes ablutions. Maintenant, je vous cache pas, en fait, nous, on doit jongler un peu. Il y a les madhahib, il y a les fatawas qu'on lit sur Internet, etc., les livres qu'on lit. La plupart des savants contemporains, ils ont suivi l'avis d'Ibn Taymiyyah sur ça, qui est al-lubs, al-masah, que la durée, elle commence à partir du premier masah. C'est-à-dire que, dans mon exemple, c'est à 10 h, à 11 h ou à midi? À midi. C'est la plus tardive. C'est-à-dire, quand je fais la première fois le wudu avec le masah, là, les 24 heures, elles commencent. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est al-masah. Donc, si on dit muddatul masah, ça commence du masah. C'est une autre façon de voir. Pourquoi je vous le dis? Parce que si vous lisez, vous allez lire des livres ou des fatawas, ben vous allez tomber sur ça, sur cet avis-là. C'est la plupart des contemporains, ils ont choisi cet avis-là. Et c'est également une riwaya rapportée de l'imam Ahmed, rahimahullah. De toute façon, l'imam Ahmed, généralement, il y a toujours dans une question deux ou trois avis qui sont rapportés de lui. Parfois, vous avez, ou même souvent, dans beaucoup de questions, vous avez l'imam, par exemple, l'imam Malik Abu Hanifa, il dit une chose. L'imam Shafi'i, il dit une autre chose. Puis Ahmed, il dit les deux. C'est-à-dire qu'on a deux avis qui sont rapportés de lui. Pourquoi? Parce qu'il changeait d'avis pendant sa vie, et donc ses élèves, ils rapportaient ses différents avis. Shurutuhu, les conditions. Les conditions à remplir pour faire le masah. An yakuna al malbousu mubahan, tahiran, satiran, lil mafroud. Donc là, ils ont mis sabiran, c'est satiran plutôt. Thabitan binafsihi, malbousan ala tahara. Donc on va reprendre. Quelles sont les conditions? Il faut que cette chaussette que tu mets soit mubah. Qu'est-ce que ça veut dire mubah? Par exemple, pour nous les hommes, ça ne doit pas être de la soie. Elle ne doit pas être volée. Pourquoi? Parce que le haram. La yastajizu ruhsa. Le haram, il ne peut pas te permettre de faire une ruhsa. Parce que le masah, c'est une ruhsa, c'est une dérogation. Donc tu ne peux pas arriver à une dérogation via quelque chose qui est haram. C'est logique. Tu mets une chaussette en soie, c'est haram, puis on va te dire, bah, tu peux faire une dérogation en faisant le masah dessus. Non, enlève-la ta chaussette et lave ton pied. Donc elle doit être licite. Tahiran, elle doit être pure, ce qui est logique. Satiran lil mafroud, elle doit cacher al mafroud. Qu'est-ce qu'on entend par le mafroud ici? Ce qui doit être lavé. Donc elle doit cacher le pied et la cheville. Elle doit tout cacher. Ça, c'est plus sûr d'appliquer ça. C'est-à-dire, il vaut mieux se contenter de ça et on applique ça et c'est tout. Si on a des soquettes, eh ben, on les enlève et on lave ses pieds. Les soquettes qui tombent en dessous des chevilles. Là. Parce que la grande majorité des ulama, ils disent ça. Il faut que. Parce que le ma'na, c'est quoi le ma'na? C'est qu'à la base, tu dois laver ton pied. Maintenant, si tu mets quelque chose qui le recouvre, tu peux faire le masah dessus. Donc il faut que ça le recouvre. Sinon, c'est censé. Si on voit ta cheville, elle est censée être lavée. Thabitan bi nafsihi. Et ça doit tenir lui-même. Bon, ça, à notre époque, ça ne nous concerne plus. Imagine, parce qu'à l'époque, parfois, les gens, ils pouvaient mettre n'importe quoi à leurs pieds qui puisse les couvrir. C'était pas comme. Ils n'avaient pas l'aisance que nous, on a maintenant. Donc ils ont mis comme condition que ça tienne soi-même. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit vraiment un khouf. C'est pas quelque chose que tu as pris n'importe quoi, un sac, et puis tu l'attaches. C'est dans ce sens-là. Malboussan ala tahara. Et il faut que tu l'aies mis en ayant fait le wudu avant. C'est-à-dire qu'au moment où tu mets ta chaussette, tu étais tahir. Et cette tahara, c'était en ayant lavé tes pieds, pas en ayant fait le masah. Donc si je fais le masah, je remplis les conditions, je fais le masah. Après, j'enlève mes chaussettes et je les remets. Au moment où j'ai remis mes chaussettes, j'étais comment? Tahir ou muhdith? Vous savez, maintenant, tahir, muhdith, je ne vous explique plus. J'étais. Je reprends. Je fais le wudu, je fais le masah. C'est-à-dire, j'ai les conditions du masah. Je fais le masah. Dans mon exemple de tout à l'heure, c'est à midi. Je fais le masah. À 13h, je n'ai pas perdu le wudu, mais je les enlève. Je remets mes chaussettes. Est-ce que je suis tahir ou muhdith? Selon la majorité des savants, déjà, je suis muhdith. Ils disent, le fait d'enlever tes chaussettes, ça t'enlève le wudu. Nous, on va dire tahir. Ouais, mais ils disent, ça casse ton wudu. Ouais. On va dire tahir. Maintenant, est-ce que je peux faire le masah? Si je vais maintenant, je vais aux toilettes et je vais refaire le wudu. Non, parce que quand j'ai mis mes chaussettes, j'étais tahir. Mais ma dernière tahara, c'était avec un lavage des pieds ou un masah? Un masah, donc ça ne marche pas. Il faut que quand je mets mes chaussettes, je sois tahir et une tahara dans laquelle j'ai lavé mes pieds. Si c'est une tahara dans laquelle j'ai fait le masah, ça ne marche plus. Je ne fais pas un masah sur un masah, entre guillemets. Donc il faut, pour faciliter, que j'ai mis mes chaussettes alors que je viens de faire le wudu en lavant mes pieds. Voilà. Même si c'était il y a 2 heures. Hein. Tant que je n'ai pas perdu le wudu. Ça, on le retire du hadith de Mughir ibn Shu'bah. C'est un hadith dans le Bukhari muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le wudu. Al-Mughira, il a voulu enlever ses khouf du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, « Da'ahuma fa'inni adkhaltuhuma tahiratan. » Il lui a dit, « Laisse-les. » Car j'ai atraltuhuma, c'est-à-dire j'ai mis mes pieds dedans, tahiratan, pur. Donc de là, jamahir al-ulama, c'est un quasi ijma, c'est un consensus, ils ont dit, il faut faire le wudu en lavant ses pieds avant de mettre les chaussettes pour pouvoir faire le masah dessus. Pour le cas des baskets, si elles dépassent pas les chevilles. On va en parler après. Après, on va parler de sur quoi on fait le masah. Sachant que le shir ici, il n'en parle pas, mais on va préciser un petit peu. Sifatu al-mas'hi ala al-khuffayn. Comment est-ce qu'on fait le mas'hi ala al-khuffayn? Yudkhilu yadahu fil ma, il fait entrer sa main dans l'eau. Wa yamsahu zahira qadam al-khuff. Et il passe yamsah, c'est-à-dire il passe sa main sur le dessus, zahir, le dessus du khuff. Min asabi'ihi, à partir des orteils, ila saqihi, jusqu'à saq, c'est-à-dire avant le saq, jusqu'à son tibia. En fait, tout le dessus du pied. Marratan wahida, une seule fois. Le masque, ça se fait ni deux fois ni trois fois, comme le masque de la tête. Duna asfalihi wa aqibihi, sans faire le dessous du rouf et sans faire le talon. En fait, il y a un hadith qui existe qui dit de faire en dessous, mais c'est un hadith naïf. Et donc, si quelqu'un, par exemple, il fait que en dessous, ça ne passe pas. Il faut absolument faire au-dessus. Donc sur la srifa, ça c'est pas un problème. Est-ce qu'on le fait en même temps ou on fait d'abord la droite et la gauche? Ça c'est une façon d'interpréter. Il y en a qui disent on fait les deux en même temps. Parce qu'on n'a pas un hadith clair qui nous explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. On sait qu'il a passé au-dessus, mais est-ce qu'il a fait en même temps ou chacun son tour? Parce qu'on peut lui appliquer le hadith de Aïcha. Comme quoi c'est bien de commencer par la droite quand on fait le wudu. Donc on peut faire celui de la droite d'abord et le pied de gauche après. Ou on peut faire les deux en même temps. Mubtilatuhu, qu'est-ce qui annule le masah? Yabtulu le masahu ala al-khuffayni bi ahadi al-ashya. Ou plutôt bi ahadi hadihi al-ashya. Donc là, il a cité quatre choses. Iza naza' al-malbousa min al-qadam. Quand il enlève de son pied ce qu'il a mis. Donc je vous ai dit, selon la majeure partie des savants, si j'ai fait le masah sur ma chaussette, quand j'enlève ma chaussette, je ne suis plus tahir. Pourquoi? C'est quoi l'explication de ça? Parce qu'on pourrait dire, il n'y a pas un hadith qui dit, oh, perdre l'eau d'eau, c'est aller aux toilettes, dormir, etc. Pas enlever ses chaussettes. Parce qu'ils disent, en fait, une fois que tu as enlevé tes chaussettes, ton pied, il est apparent. Une fois qu'il est apparent, il est censé être lavé. Et tu ne peux plus le laver parce que tu as fait l'eau d'eau il y a 2 heures. Donc, tu n'as plus l'eau d'eau. Vous avez compris? La majeure partie des savants disent ça, et d'autres, mais c'est un avis très minoritaire, mais c'est l'avis choisi par Ibn Taymiyyah. Ils disent, ben non, enlever ses chaussettes, ça n'a pas été cité dans les choses qui enlèvent le dos. Donc même si tu enlèves tes chaussettes, tu gardes le haut. Ça, c'est plus logique, mais le plus sûr, c'est le premier. Vous voyez? Des fois, on peut avoir des avis, c'est vrai qu'ils sont plus logiques, mais on voit que 80% des savants, ils ont dit le contraire. Donc on choisit la sûreté pour notre religion. Et en plus, ça te coûte rien de faire le dos. C'est pas un fardeau non plus. صحيح ولا درت المسح وجاب الله مشيت عند الحجام وحسنت حجام الخوف باقي، الخوف باقي، باقي الحجامة لا تنقض الوضوء على ما قرأنا. C'est-à-dire si je fais le, je mets le, en gros, je fais le hijama. Est-ce que ça annule le الحجام الحسن الحسن la coupe. Coupe. Ah. Tahsina, c'est ça? C'est des fois d'aller dire. Non, c'est comme par exemple couper les ongles, couper les cheveux. Ça, c'est, il y a beaucoup d'awam, ils croient que ça annule le wudu. Parce qu'ils se disent, bah, j'ai fait le mess sur ces cheveux-là, donc si je les coupe, j'ai plus le mess. Ou alors par exemple, il dit, j'ai fait le wudu sur ces ongles-là, si je les coupe, j'ai plus le wudu. Ça, c'est l'awam, ils croient ça, mais c'est pas dans le fiqh, non. Je peux couper mes ongles, je peux couper mes cheveux, ça annule pas le wudu, et donc ça annule pas non plus le mess. Quand s'il doit obligatoirement faire le rousl. C'est-à-dire que le masque, ça passe que pour le wudu, pas pour le rousl. Dans le rousl, on est obligé de laver ses pieds. Quand il y a un kharq wasi', une grande déchirure, urfan, ça veut dire quoi urfan, pour ceux qui lisent le livre en arabe. L'urf, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'on ne dit pas 3 cm, 5 cm, on dit urfan. Pour ce qui est une grande déchirure pour les gens, c'est une grande déchirure. Ce qui n'est pas une grande déchirure pour les gens, ce n'est pas une grande déchirure. C'est ce qui délimite, c'est le urf. C'est-à-dire si toi et moi on regarde ta déchirure, on dit c'est une grande déchirure, bah c'est une grande déchirure. Si on dit aux gens qu'est-ce que vous en pensez, c'est une ils disent ouais, c'est une petite déchirure, ça c'est pas une grande, bah c'est une petite. C'est pas en centimètres, c'est le urf. Le urf, ça veut dire l'usage. Ce sur quoi les gens s'entendent. Donc pourquoi? Parce que si la chaussette elle est trop déchirée, c'est comme si tu n'avais plus de chaussette en vérité et ton pied il apparaît. Alors que les petites déchirures qui laissent apparaître un peu le pied, ça c'est excusé. Pourquoi? Parce que on peut penser fortement que les Sahaba, leur khouf, ils étaient ainsi. C'est-à-dire que forcément, vu l'état dans lequel ils vivaient, forcément, ils devaient avoir des petites déchirures dans leur khoufayn. Ça ne leur empêchait pas de faire le masque. Mais quand il est trop grand, le khouf, il remplit plus sa fonction. Il a tammat muddatul masah. Et enfin, quand la période du masque est terminée. Donc, ce quatrième, c'est comme le premier. C'est deux questions qui se ressemblent. La question de quand j'enlève ma chaussette, est-ce que je perds le wudu? Et l'autre question, c'est quand la période elle est finie, est-ce que je perds le wudu? La logique, c'est de dire quoi? La logique, c'est de dire, quand j'enlève ma chaussette, je perds pas le wudu. Moi, j'ai fait un wudu qui est permis. Donc, pourquoi, quand j'enlève ma chaussette, le wudu, il serait cassé, entre guillemets, il serait interrompu. Même si, bien sûr, si je veux refaire le wudu, là, je vais devoir laver mon pied. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi mon wudu, il serait interrompu? Ça, c'est la logique. Et la sûreté, c'est de dire, il est interrompu et c'est tout. Mais la logique aussi, elle dit que le khouf, c'est le sabab qui a fait que tu peux faire le masque. Bah ça, c'est la logique des autres, entre guillemets, ouais. Si tu l'enlèves En fait, quand je dis logique, je veux dire le plus logique. C'est ça que je veux dire. Parce que les autres aussi, ils ont une logique que je vous ai expliquée. C'est de dire, il faut que le pied soit couvert. Une fois qu'il est découvert, il faut qu'il soit lavé. Mais ça, on peut le discuter en disant, non, nous, ce qui est demandé, c'est de faire le wudu, je l'ai fait. Donc, pourquoi enlever ma chaussette sans interrompre? Bah, c'est pareil pour la mudda, pour le délai. La majeure partie des savants, ils te disent, quand, par exemple, j'ai fait le wudu à 10 heures avec le masque. Ma permission du masque, elle s'arrête à midi. À midi, j'ai pas été aux toilettes, j'ai pas dormi. Hein. Ils disent, bah, tu perds le wudu. Parce que la mudda, le délai, il est terminé. Ce à quoi les autres vont répondre, bah non, pourquoi le wudu? T'as plus le droit de faire le masque la prochaine fois. Mais pourquoi ton wudu, là, il serait interrompu? Vous comprenez? Le plus sûr, c'est de prendre ce qui est écrit ici. Parfois, la religion, Il faut pas, il vaut mieux prendre ce qui est sûr et on ne se casse pas la tête. Il faut que la chaussette, elle recouvre tout le pied. Quand la durée, elle est terminée, j'ai perdu l'eau. Si j'enlève ma chaussette, j'ai perdu l'eau. Si j'applique ça, c'est pas dur, il n'y a pas un grand fardeau non plus, et je suis sûr pour ma religion. Alors que si j'applique l'autre, sachant que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que réellement nous, on a le niveau de peser entre ces avis? La réponse, elle est dans beaucoup de cas, c'est non. Donc, il vaut mieux prendre ce qu'on appelle l'ihtiyat. L'ihtiyat, la précaution, c'est quelque chose qui est très observé chez les savants des quatre écoles. Parfois, il y a des questions, tu vas te dire, bah, c'est pas logique. Ouais, mais la logique, c'est l'ihtiyat. C'est la précaution. Ensuite, il dit, il est permis de faire le mas sur toute al-jabira, tout le plâtre, jusqu'à ce qu'on l'enlève. Wala utala zaman, même si c'est une longue période, même si ça dépasse 24 heures. Ou asabatul janaba, même s'il est junub. Ça, on l'avait expliqué. Si j'ai un plâtre, est-ce que c'est les mêmes conditions que mas'h ala al-khuffayn? Toutes ces conditions, elles sautent. La condition qui est demandée, c'est que le plâtre, ben, il recouvre l'endroit dont on a besoin seulement. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être abusé. Si le plâtre, il suffit jusqu'ici, il ne faut pas le mettre jusqu'ici. Parce que là, on a couvert un endroit sans raison. Donc, il ne doit pas être excessif, abusé, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de durée. Si mon plâtre, je l'ai 6 mois, je peux faire masse dessus pendant 6 mois. C'est pas seulement pour l'eau. Je peux faire le rousl et faire le masr sur le plâtre. Il y a quoi encore? Je suis pas obligé de faire l'eau avant de le mettre. Je dis pas à l'infirmier, stop, je fais l'eau avant que tu mettes mon plâtre. Il le met et c'est tout. Par contre, là où c'est plus dur que le masr ala al-khuffayn, c'est qu'on essuie sur le dessus des chaussettes. Par contre, al-jabira, non. On passe sur toute al-jabira. Je passe la main mouillée sur tout le plâtre. C'est ça la différence. Donc, on allait parler de sur quoi est-ce qu'on a le droit de faire le masr. Al-khuffayn, les chaussettes, etc. Pour résumer et pour rester dans ce qui est connu à notre époque. Parce qu'il ne faut pas non plus, ça je vais vous expliquer un truc, le fait de revenir au mazahib. Ça c'est très bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand on ne reste pas sur un madhab, quand on n'étudie pas avec un madhab, on fait un peu n'importe quoi. Et on n'a pas de fondement sur lesquels on marche. Alors que les mazahib, les quatre mazahib, c'est des trucs qui existent depuis, c'est comme des institutions qui existent depuis 1000 ans. Ils ont des livres qui parlent de tout. Tout est expliqué, tout est réexpliqué, tout est surexpliqué. Tout est commenté, tout est souligné, tout est. Donc c'est des choses dans lesquelles tu rentres avec sûreté et tu marches sur une voie claire. Les savants du madhhab, ils sont connus, les références du madhhab, elles sont connues, les fondements du madhhab, elles sont connues, etc. Mais nous, on a une époque où c'est répandu le fiqh. Des savants contemporains qu'on aime bien et desquels on a appris plein de choses et qui peut contredire parfois ce que tu étudies dans ton madhhab. Mais il ne faut pas trop aller en contresens. C'est-à-dire dire aux gens non, nous on revient au madhhab et Foulen, Foulen, Foulen, ils comptent pour rien et ils valent rien, etc. Ça c'est faux. Parce que ces gens-là eux-mêmes ils ont étudié le madhhab, simplement ils ont leurs avis à eux. Et leurs avis parfois ils se sont répandus. Donc pourquoi tu vas choquer les gens et les faire revenir encore en arrière? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si on revient au madhhab, on va trouver que, et ça faut que vous le sachiez par contre, ce qui se dit dans les madhhab, il faut le savoir. Pourquoi faut le savoir? Ben déjà, entre guillemets, c'est comme une culture générale. Et deuxièmement, parce qu'on est confronté. Vous allez être confronté à des gens qui appliquent par exemple le madhhab Maliki, le madhhab Al-Hanbali. Vous allez voyager, vous allez faire le Umrah ou le Hajj, vous allez voir plein de gens qui appliquent le madhhab Hanafi. Donc il faut savoir qu'est-ce qui fait partie du fiqh des madhhab, le vrai, et qu'est-ce qui est n'importe quoi. Parce que si quelqu'un il fait quelque chose qui est vraiment basé sur un avis, je ne vais pas le blâmer, c'est tout, il suit ça. C'est une divergence qui existe depuis 1000 ans. Moi je vais venir trancher. Non, moi je dois déjà apprendre Alif Batata. C'est pas moi qui vais trancher dans les divergences. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les madhhab, il y a une discussion sur. Nous, pour nous, c'est quelque chose de normal de faire le masr sur les chaussettes. Mais dans le fiqh, c'est quelque chose qui se discute. C'est-à-dire que ce n'est pas une unanimité. L'unanimité, elle est sur le khuffayn. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire les chaussettes de cuir et tout ce qui est très épais, comme les chaussettes de cuir. Par exemple, ils disent, par exemple, al-jumruq, etc. Ils citent des choses, par exemple, c'était comme des grandes bottes en cuir qu'ils avaient à l'époque, etc. Sur ça, les savants, ils sont unanimes. Par contre, les choses qui sont un peu plus légères, plus souples, eh bien, les savants, ils ne sont pas unanimes. Il y en a beaucoup qui l'interdisent, parce qu'ils disent le masr, c'est que sur le khoufayn, c'est-à-dire les choses qui sont en cuir et qui sont très épaisses. Et les choses qui ne sont pas, eh bien, ce n'est pas permis de faire le masr dessus. Donc, comme vous le savez, la plupart des savants contemporains, si ce n'est pas tous les savants contemporains, ils permettent le masr sur al-jawarib, sur les al-jawarib, c'est-à-dire les chaussettes de laine, les chaussettes de coton, les chaussettes d'acrylique, etc. Et alhamdoulillah, ça c'était l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Pourquoi? Parce que, certes, tous les hadiths, ils parlent que des khoufayn. Les hadiths qui permettent ça, ils parlent que des chaussettes en cuir. Mais, l'imam Ahmed, il disait que al-mas' ala al-jawarib an tis'atin min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté de 9 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous suffit. Plus le qiyas. Le qiyas qui consiste à dire, bah, si c'est permis sur le profane, pourquoi ça serait interdit sur les chaussettes, sachant que les deux, c'est embêtant de les enlever pour faire le don. Ce à quoi les autres répondront d'autres choses. Mais on ne va pas commencer à... Nous, on reste sur ce qu'on connaît. On connaît ça depuis toujours, n'est-ce pas? Qui connaît autre chose que la permission de faire masse sur les chaussettes? On connaît tout ça. Donc, alhamdoulilah, on reste dessus. Et on sait que, en plus d'être l'avis des savants contemporains, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Mais surtout, on sait pourquoi. Pourquoi on a le droit de faire masse sur les chaussettes alors que les hadiths, ils ne parlent pas des chaussettes? Parce que c'est rapporté de 9 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui permettaient al-mas' ala al-jawarib. Et le jawarib, c'est pas le khoufayn. Al-jawarib, c'est tout ce qu'on met sur le pied, que ce soit en laine, que ce soit en coton, en acrylique, etc. etc. Non. En fait, il dit les madhahib, ils n'ont pas divergé sur l'asl. L'asl. En fait, ça dépend de l'asl. Si on veut dire l'asl, l'aqida, aslan, les madhahib, ils ne parlent pas d'aqida. Les 4 madhahib, ça parle de fiqh. L'aqida, c'est autre chose. Les gens des madhahib, ils ont parlé d'aqida, mais quand on parle des 4 madhahib, on parle du fiqh. Bien sûr, le asl, les usul générales qui sont le Qur'an, sunna, l'ijma' ou l'qiyas, les 4 madhahib, ils n'ont pas divergé dessus. C'est-à-dire, les 4 madhahib, on peut même rajouter d'autres choses. Les 4 madhahib, ils sont d'accord pour se référer au Qur'an, se référer à la sunna, se référer au ijma'. Ijma', on appelle ça le consensus. Se référer au qiyas, il n'y a pas de divergence sur le qiyas. Qiyas, il est permis dans le fiqh, sans aucune divergence. Et même, ils sont d'accord sur encore autre chose, qui est fatawa sahaba. Les 4 madhahib, ils se référent au fatawa des sahaba. Après, ils vont diverger sur d'autres choses. D'autres choses. Par exemple, quand on dit revenir à la sunna, c'est pas si facile que ça de dire revenir à la sunna. Revenir à la sunna, ça veut dire revenir au hadith. D'accord? Mais maintenant, si toi et moi, je te prends, je te mets dans une salle, je te ramène tous les livres de hadith qui existent, et je te dis, je te demande pas quelque chose de très, très compliqué. Je te dis juste, avec tout ça, je veux que tu me dises quelles sont les choses qui annulent l'oudou. Billahi alayk, tu vas savoir le faire? Moi, je te dis tout de suite, tu ne sauras pas le faire. Même si tu lis l'arabe. Pourquoi? Parce que quand tu vas lire tous ces hadiths, tu vas voir un hadith, il dit blanc, l'autre, il dit noir. Donc, comment tu sais, toi? Tu vas voir un hadith qui dit blanc, l'autre, il dit noir. En fait, il y en a un qui abroge l'autre. Ça, tu vas le savoir comment? Dans les paroles des fuqaha. Ou dans l'ijma'. Le ijma', des fois, il t'explique la sunna. Les paroles des sahaba, elles t'expliquent la sunna. Donc, des fois, tu vas voir un hadith, il dit blanc, l'autre, il dit noir. Tu ne vas pas savoir. Des fois, tu vas voir dans un hadith, blanc et noir, dans un seul hadith, et ceux qui rapportent le hadith, ils divergent sur comment ils transmettent le hadith. Il y en a, il a dit blanc, l'autre, il a dit noir. Comme par exemple pour « Ihtajama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im ». Le prophète a fait le hijama alors qu'il était en train de jeûner. Et d'autres ont dit alors qu'il était muharim. Ça n'a rien à voir. Si tu dis sa'im, ça veut dire que tu as le droit de faire hijama quand tu jeûnes. Si tu dis muharim, ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est un seul hadith. Ceux qui l'ont rapporté, il y en a certains d'entre eux qui se sont trompés. Mais lequel s'est trompé? Comment tu vas savoir, toi? Il faudrait que tu lises d'autres livres qu'on appelle Kutub al-Takhrij, Kutub al-Ilal. Les livres de Ilal. C'est quoi les livres de Ilal? C'est les livres dans lesquels l'imam Ahmed, lui, va te dire, rahimahullah, par exemple, non, Foulan, dans la chaîne de transmission, un tel, il s'est trompé. Il a dit Wahua Sa'im, alors que c'était Wahua Muharim. Mais toi, tu ne peux pas le savoir en lisant le hadith tout seul. Le hadith, déjà, comment tu sais s'il est authentique ou pas? Sachant que dans la plupart des hadiths, la majorité, ils sont sahih ou daif? Daif, la majeure partie des hadiths qui existent dans les livres, la plupart, ils sont daif. Maintenant, le daif. L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed et tous leurs contemporains, ils prenaient certains hadiths daif parfois. Par exemple, Abu Hanifa, rahimahullah, lui regardait quel est le fiqh qui était connu en Irak à son époque, chez les sahaba, les tabi'in de l'Irak. Et parfois, il pouvait avoir un hadith, il était daif, mais il va dans le même sens que ce qu'ils faisaient Abdullah ibn Mas'ud, Ali et Omar et Anas et Abu Musa al-Ash'ari. Alors il le prend. Sa preuve, ce n'est pas le hadith en lui-même. C'est tout ce qu'il y a derrière. Toi, comment tu vas savoir tout ça? Tu ne peux pas savoir tout ça. Donc, la réponse, c'est que je peux te mettre avec tous les livres dans une salle. Et même, je mets dans ta tête toute la connaissance de la langue arabe du possible, de l'imam Tabari. Tu vas tout lire les livres. Alors là, tu vas me dire, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Parce que j'ai vu des hadiths qui se contredisent. J'ai vu des hadiths qui abrogent d'autres, mais je n'ai pas compris. J'ai vu des hadiths. Il y en a plein, mais il y en a, ils sont faux, d'autres, ils sont vrais. Moi, je ne sais pas juger de tout ça. Il y en a, ils sont faux, mais parfois, on a le droit de les prendre quand même. Comme je vous ai dit, l'imam Abu Hanifa, Malik et Ahmed, donc, quand on dit le Coran et la Sunna, pour eux, dans la Sunna, il y a aussi le hadith daif dans certains cas. Je vais vous prendre un exemple. Le hadith qui dit quand on prie, il faut mettre une sutra devant soi. Et si on ne trouve pas de sutra, on fait un trait. C'est un hadith daif. L'imam Ahmed, il dit, tu fais ça. Ben pourquoi il prend le hadith daif, l'imam Ahmed? Quand le hadith, il est daif, mais un daif qui est léger. Alors justement, c'est quoi un daif léger? Une faiblesse légère. Quand si je te mets tous les livres dans les mains, tu ne sauras pas si c'est daif léger ou pas léger. Le daif, la faiblesse des hadiths, elle a plein de degrés. Elle a plein de degrés. Tu as carrément ceux qui inventent des hadiths. Tu as le hadith munkar. Le hadith Wahin Jidden, c'est vraiment les rapporteurs qui sont fatigués, qui sont à la poubelle. Après, tu as les rapporteurs qui sont thiqat et ils se trompent sur un hadith. Donc, ce hadith, on va l'appeler, les anciens, ils l'appelaient Munkar. Pourtant, quand tu regardes le hadith en apparence, si tu connais les rouat, tu vas dire, bah, ça, c'est un hadith sahih. Je pourrais vous donner des exemples, mais je ne veux pas trop vous chambouler non plus. Si tu vois le hadith, tu vas dire, bah ça c'est un hadith sahih. Et les anciens ils disent Munkar. Pourquoi? Parce qu'en analysant toute l'histoire de ce hadith, toutes les chaînes de transmission, on s'est rendu compte qu'un tel, pourtant c'est un fiqa. Il s'est trompé dedans. Parce que même les plus grands fiqat, ils se sont trompés dans des hadiths. C'est les êtres humains, obligés, ils se trompent. Comme il y en a, ils ont fait des études pour, dans les anciens, pour compter les erreurs de Malik, Soufiane et Shu'ba. C'est-à-dire l'imam Malik, Soufiane al-Thawri et Shu'ba, dans leur génération, c'est les trois, c'est la dream team du hadith. Et ils ont compté, par exemple, ils disaient Soufiane al-Thawri, on a trouvé quatre erreurs. Quatre erreurs dans des dizaines de milliers de hadiths qu'il a rapportés. L'imam Malik, je crois, c'était sept, un truc comme ça. Forcément, ils vont se tromper. Bon, toi, comment tu vas le savoir? Un hadith où c'est un thiqa qui se trompe, c'est un hadith faible, très faible ou faible moyen? Ben non, c'est très faible. Pourtant, c'est un fiqh. Et puis, parfois, on a des rapporteurs qui sont faibles. Ils ont été classés faibles, mais en vérité, c'est une faiblesse qui est tout juste. Et parfois, certains de leurs hadiths, on va les accepter dans certains sujets. Ou parce que le hadith, il y a plein de hadiths qu'on qualifie de mursel qui disent la même chose que son hadith. Ou alors, on voit que la plupart des sahaba, ils disaient la même chose que dans le hadith. Donc, on va penser que, sans doute, dans ce hadith-là, il ne s'est pas trompé. Pourtant, le jugement du hadith, c'est daif. C'est pour ça que l'imam Ahmed, dans beaucoup de sujets, il prend des hadiths daif. Mais n'allez pas vous imaginer, c'est des hadiths inventés. Non. C'est des hadiths dont le daif, la faiblesse, elle est légère. Bon, bref, pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour te dire, ben toi, comment tu vas savoir tout ça? D'où le fait d'emprunter la voie normale. Soit la voie normale, c'est celui qui veut se mettre dans Talab al-Ilm, celui qui veut vraiment emprunter la voie de Talab al-Ilm, qui consacre du temps à ça. Il étudie avec un cheikh en particulier et il va adopter sa façon et ses avis. Par exemple, Cheikh Al-Uthaymeen, on va citer lui parce qu'il a énormément de cours. Jusqu'au jour où il va s'élargir, puis il va dire non, sur ça je suis pas d'accord avec lui. Ou alors un madhab, un des quatre madhab, et puis il suit un des quatre madhab, jusqu'au jour où il se dit non, dans le madhab, ça, je suis pas d'accord. Mais avec des fondements, avec des arguments. Ou alors c'est un simple muslim, il vient au cours de Abbas, puis à la fin il applique ce qu'on a dit dans le cours. C'est ça la réalité. Ou alors si c'est pas le cours d'Abbas, il va au cours de l'imam de sa mosquée, l'imam il lui explique voilà ce qui annule au dos, c'est ça. Alhamdoulilah, Allah ne va pas lui demander plus. T'as fait l'effort d'aller à la mosquée. L'imam, il t'a appris. Bien sûr, s'il est compétent. Il t'a appris qu'est-ce qui annule le jeûne. Tu le mets en pratique. Alhamdoulilah, t'as fait ton boulot. T'as pas besoin de savoir dire ouais, mais Ibn Abdelbar, il a fait le tahqiq dans tel livre. Le tout musulman, il ne lui est pas demandé d'aller jusque-là. Ou alors, t'as lu un livre. T'as fait l'effort d'aller acheter un livre d'un faqih connu, contemporain ou ancien, qui t'explique. Voilà ce que le jeûne, comment il faut faire. Tu le lis, tu le comprends, tu le mets en pratique. Alhamdoulilah. L'autre, il a lu un autre livre. Vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions. Alhamdoulilah. C'est pas là. Le khilaf, il existe depuis 1000 ans. C'est pas toi et moi, on va venir, on va tout changer. Ça va rester comme ça. Donc moi, je fais un truc, toi, t'en fais un autre. Alhamdoulilah, le principe, c'est qu'on a fait notre boulot. On a fait ce qui nous a été demandé. Après, si on a les moyens, les bagages pour en discuter, pourquoi l'un, il a dit blanc, l'autre, il a dit noir. Moi, je connais les arguments, tu connais, donc on en discute un petit peu. Ça, il n'y a pas de mal. Et dans certaines questions, même vous et moi, à notre niveau, on peut le faire, ça. Il ne faut pas croire que... Certains, ils veulent vous faire croire que le fiqh, le madhab, c'est qu'on n'a plus d'aql. On n'a plus... En fait, on est comme des ânes. On doit suivre tout ce que ça dit sans réfléchir. Ça, c'est un extrême. C'est pas vrai. C'est un extrême. Tu peux comprendre, subhanallah. Tu peux très bien comprendre les arguments. Mais ce qui t'est demandé, c'est de rester à ton niveau. C'est-à-dire, quand tu ne comprends plus, quand tu ne sais plus, khlas. Tu suis et tu cherches pas à discuter et tout ça. Et ça, ça va être dans une grosse partie du fiqh. Donc le cours de hadith, on le fera la prochaine fois, inshallah ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana dinana alladhi fihi 'ismatu amrina wa aslih lana آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. N'hésitez pas à motiver les gens à venir au cours, surtout à partir de la semaine prochaine pour le jeûne, parce que les gens ils jeûnent, mais ils vont vous dire si tu mets du gel ton jeûne il est cassé, etc.